J'ai fait des études universitaires. 2. Je choisis un métier intéressant. 3. Je finis de préparer le déjeuner. 4. J'ai écrit un roman autobiographique. 5. J'ai lu un poème de Prévert. 6. Je conduis mes enfants à l'école. 7. J'ai grandi de 5 cm. 8. Je dis qu'il n'a pas raison.